Maximum. Dégagez le passage, on est resta. Toi tu parles trop, ça m'intéresse pas. Je me suis fait péter la main dans le sac. Mais c'était un sac à 44K. Dans le recul, plus beaucoup d'espoir. L'histoire d'un blédard devenu roi. Y'a le taureau sur le capot du bolide. Une demande la photo, la police. Chaque bébé ce soir se m'alcoolise. En direction d'un endroit paradisiaque. Champé des têtes comme Céline Dion. Je fais le job, je me taille comme un papillon. T'as pas dit, faut respecter les anciens. Je prends pas, mais mon regard il en dit là. Ça fait des dingueries, ça part s'isoler. Ça fait des commandos en voiture volée. Après la tempête, le soleil va rayonner. J'ai prévenu, tu m'as rayonné. Air Force blanche qui scintille. On est pas ma petite chérie, on n'a plus besoin des caries. J'ai sorti la petite chemise. Air Force blanche qui s'habille. On y va ma petite chérie, on n'a plus besoin des caries. J'ai sorti la petite chemise. Air Force qui s'habille. Costume d'Italie. On y va ma petite chérie, j'ai sorti la petite chemise. Dégagez le passage, on est resta. Toi tu parles trop, ça m'intéresse pas. Je me suis fait péter la main dans le sac. Mais c'était un sac à 44K. Dans le recul, d'un blédard devenu roi. J'arrive en jet comme j'arrive à Pâques. Tout va bien, va leur dire qu'on veut pas stop. A la base, je suis leader, mande un mascade. Donc je claque comme un monégasque à Madagascar. A la moindre virgule, on me condamne. On me guette, on me traque comme un contrat. Forcément, quand c'est moi, ça ne compte pas. Donc va leur dire qu'on arrive à la basta. Ils te laissent tous le cul quand ils ressentent, maman. J'suis fait pour affronter les épreuves, je les surmonte. J'remonte la rivière à contre-courant comme le saumon. J'suis gentil, les gars, malheur qu'il est, j'peux manger sans pompe. Mon CDP à vie, y'a pas de vitant. C'est mes bons collègues et au final, nous nous évitons. Mon sang, j'suis un bandit, car j'tiens le guidon. On se montre pas, nous, on dit pas où nous vivons. C'était des bons au début, ils me voient comme leur ennemi. Gros, fais gaffe à toi si tu racontes des conneries. À deux temps, j'fais pas du rap fini dans la maçonnerie. Ces bâtards, ils voient le bolide, ils me rayent la carrosserie. Air Force blanche qui scintille. On est pas ma petite chérie. On a plus besoin des caries. J'ai sorti la petite chemise. Air Force blanche qui scintille. On y va ma petite chérie. On a plus besoin des caries. J'ai sorti la petite chemise. Air Force qui scintille. Costume d'Italie. On y va ma petite chérie. J'ai sorti la petite chemise. Dégagez le passage, vois les restas. Toi tu parles gros, ça m'intéresse pas. Je me suis fait péter la main dans le sac. Mais c'était un sac à 44K. Dans le recul, plus beaucoup d'espoir. L'histoire d'un vieillard devenu roi. Dégagez le passage, vois les restas. Toi tu parles gros, ça m'intéresse pas. Je me suis fait péter la main dans le sac. Mais c'était un sac à